J'aime pas trop obèse parce que c'est une maladie et donc c'est un terme médical et du coup j'ai plus de mal à me définir comme étant obèse ou obèse morbide. C'est comme ça que les médecins me qualifient. À notre santé. À notre santé. À notre santé. À notre santé. À notre santé. Le podcast Doser le féminisme sur la santé des filles et des femmes. Moi j'ai déjà entendu grosse, obèse, en surpoids morbide, ça c'est souvent. Mais bon, moi j'ai pas de plus ou de moins de toute façon. Je dis obèse parce que voilà, les gens disent obèse, mais je peux dire que je suis grosse, ça me gêne pas, là. Moi aussi, je préfère dire grosse parce que c'est un fait et faut arrêter de diaboliser le mot grosse comme. Enfin oui, c'est un fait, on peut le dire. Et par contre, j'aime pas trop obèse parce que c'est une maladie et donc c'est un terme médical et du coup, j'ai plus de mal à me définir comme étant obèse ou obèse morbide. C'est comme ça que les médecins me qualifient. Et pareil, dire qu'on est en surpoids, c'est ne pas oser dire grosse ou avoir des formes, avoir des rondeurs et je trouve que c'est un petit peu hypocrite. Donc, moi personnellement, j'ai pas de problème à me définir comme grosse. Est-ce que dans votre vie quotidienne, vous vous sentez victime de discriminations qui sont liées au fait d'être des femmes grosses ? Ah, dans la rue, toutes les remarques, les agressions, c'est en permanence. Enfin, les regards des gens, et puis les remarques, si on s'achète quelque chose à manger, enfin, moi j'ose plus manger en public, j'ai peur qu'on me dise, mais pourquoi elle mange encore, elle est pas assez grosse. Ou même encore, là, la semaine dernière, dans le train, je circule, et il y a deux mecs qui me regardent, et ils me disent, t'aimes bien ça? Et l'autre qui répond, ah non, ça c'est trop balèze. Alors je suis ça, je suis balèze. Enfin, et il parle à haute voix, comme si j'entendais pas. Enfin, et en permanence, ce regard, des gens qui jugent, qui se sentent permis, enfin, qui se croient tout permis, et qui osent dire à voix haute des choses. Enfin, c'est horrible, quoi. Je ne suis pas un ça. Oui, puis à côté de ça, le mobilier n'est pas toujours fait pour. Exactement. Par exemple, dans certaines rames de train, les accoudoirs, ils me font ultra mal dans les cuisses et dans les hanches. Tout à fait. Je suis obligée de choisir les sièges qui n'ont pas d'accoudoir, parce qu'il y en a certains aux extrémités des rames où il n'y en a pas. Et je réfléchis à où est-ce que je vais m'asseoir aussi, pour être confortable et pour ne pas déranger. Dans les magasins, vous ne pouvez pas rester trop longtemps debout. Donc, passez, je vous laisse ma place. Non, je peux rester debout, même... Oui, dans la file. Dans la file d'attente, oui, même si on est grosse, on peut rester debout, on peut attendre, c'est pas... Être grosse, pour moi, n'est pas un handicap, puisque j'ai toujours été grosse, donc ça m'a jamais empêchée. Ou alors, quand j'allais à la plage, elle sait nager. C'est... oui, tu peux être grosse et mélo, et puis... C'est des choses où je me souviens quand je suis arrivée sur Paris, il y a une dame qui m'a dit « Ah non, c'est même pas la peine de rentrer, il n'y a pas votre taille dans le magasin, ça aussi. » Là, on va parler de la santé, mais que le problème, il existe un peu dans tous les domaines de la vie au quotidien, que être une femme grosse, c'est rendu pesant à tous les moments. Alors le problème, c'est pas d'être une femme grosse, c'est ce qu'on vous renvoie et les gens qui acceptent pas, qui font des commentaires, qui vous traitent pas de la même manière qu'une femme qui serait pas grosse. Voilà, on serait plus fragile, plus il faut avoir pitié de nous parce que nous sommes grosses, nous ne savons pas manger, nous ne savons pas parce que on est grosse, ça veut dire que on a envie de manger tout le temps, on a envie de mais qu'est-ce que tu manges? Mais non, on mange pas plus que oui, puis tout le monde nous donne des leçons de diététique. Mais tu devrais faire ci, faut manger ça, faut éviter ça, faut faire du sport. Enfin, comme si on était infantilisés. C'est ça. Tout le monde sait mieux que nous ce qu'on devrait faire. Voilà. Et comme moi, mon problème d'obésité vient de mon papa. Donc, c'est héréditaire. Alors, les gens, c'est complètement faux. C'est pas vrai. C'est parce que je mange énormément. Ça peut pas venir de... Non, c'est pas l'hérédité. Par contre, mon problème aux yeux, ils acceptent plus facilement que c'est de l'hérédité que... C'est ça, quand on est gros, c'est forcément de notre faute. C'est ça. Parce qu'on prend pas soin de soi, c'est parce qu'on mange n'importe comment, c'est parce qu'on se laisse aller. Ils peuvent pas imaginer qu'il puisse y avoir d'autres causes, d'une maladie, des effets secondaires d'un médicament, de l'hérédité. Oui. Oui, on est forcément des feignants fautifs. C'est ça, ouais. C'est vrai que... Et qu'on mange toujours énormément. Ils n'arrivent pas à comprendre que... Voilà, on peut être grosse pour mille et une raisons. Plein de choses, hein. Et ce qui est plus grave, moi, je dirais, c'est quand ça arrive... On en parlera plus tard, mais dans la médecine, après. Parce que, bon, quand c'est des personnes lambda, bon, encore, ça, à la longue, on laisse passer. Mais quand ça vient dans le milieu médical, on se pose des questions. Parce que, bon, ils sont pas du tout formés, absolument pas. Donc, ça, c'est encore... Et puis, quand j'ai eu un début d'éventration. Donc là, c'était le chantage. On ne peut pas vous opérer parce que vous faites 215 kilos. Il faut maigrir. Alors, quand toi, tu ne sais pas, quand tu as peur parce que tu as un enfant en bas âge qui a besoin de toi. Donc, tu te dis, on va maigrir. Donc, on m'envoie à perpète. Moi, j'y vais avec l'espoir de maigrir. Et puis, quand j'avais réussi à perdre 60 kilos, donc j'étais toute heureuse en plus. Et quand je vais revoir le chirurgien, puisque vous avez réussi à maigrir de 60 kilos, allez hop, encore 60 et je vous opère. C'est vraiment du chantage. C'est ça. Alors, après, j'ai éclaté. Et puis, sinon, il y a des chirurgiens qui ne veulent pas opérer parce que, ils ont peur pour leur carrière. Ou ce qui est le pire, par exemple, à l'hôpital de Mende, qu'ils ont le directeur à l'époque, je ne sais plus son nom, c'était Gousset, qu'il a osé dire, écoutez, on a le quota de décès est passé et là, on ne vous opère plus. Le quota de décès est passé et on ne va pas risquer de vous opérer. Et l'obèse, qu'on va la laisser mourir parce que des gens ne voulaient pas m'opérer parce que j'étais obèse. Et j'ai dit oui, donc on va me laisser mourir. Non, on ne peut pas, on ne va pas vous laisser mourir. Mais voilà, donc ils me mettaient sous morphine. Sous morphine et puis on me laissait dans le couloir, on attendait que ça se calme. Puis quand ça se calmait, on disait à mon mari, vous pouvez la ramener à la maison. Puis bien sûr que après l'effet, quand la morphine est partie, ça recommençait. Donc 2-3 jours après, je retournais la nuit aux urgences. Et puis après, ils refusaient d'accepter ma douleur parce qu'ils disaient que non, j'avais pas mal, que je faisais de la comédie, que c'était parce que je voulais qu'on m'opère impérativement. Et j'inventais pas ma douleur, je n'inventais pas ma douleur. Et du coup, il m'a dit, écoutez, je vais vous opérer de l'éventration, mais il faudrait que vous fassiez un bypass. Après, moi, j'ai dit, c'est quoi le bypass? Je connaissais pas du tout les opérations pour, bariatriques. Je connaissais pas du tout. Et donc, il m'a dit, ça sera très difficile parce que vous faites 215 kilos, mais il me dit, je peux tenter de le faire. Bon. Donc, moi, j'avais mal au ventre puisque j'avais une éventration qu'il fallait impérativement opérer, qu'on m'avait renvoyé de l'hôpital de Mende, on voulait pas m'opérer. Donc, j'ai pas eu vraiment de solution. Donc, j'ai dit, OK, on va m'opérer du bypass. Mais sans avoir de visite auparavant, parce qu'il y a un circuit à faire lorsqu'on fait des opérations bariatriques. On doit avoir une nutritionniste, le psy et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, je n'ai pas eu tout ça. Donc psychologiquement, je n'étais pas prête à cette opération. Puisque faut savoir que moi, mes 215 kilos ne me gênaient pas. Donc je comprenais pas pourquoi on voulait impérativement me faire maigrir. Puisque moi, j'étais bien avec mes kilos. Donc après, j'ai dit d'accord. On m'a dit, vous resterez que 3 jours à l'hôpital. Donc, j'ai dit d'accord. Et au lieu de rester 3 jours, je suis restée 4 mois. Parce que le chirurgien, le professeur Zinzin Doué, Et là, alors bon, je comprends qu'opérer une personne de 100 kilos et de 115 kilos, ça peut être difficile, hein. De 115 kilos, il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de... Je comprends tout ça. Bon, moi, je lui ai pardonné, hein, maintenant, c'est... Voilà, après tout. Mais, bon, il a loupé l'opération. Donc, du coup, au lieu de subir qu'une opération, j'ai dû subir 3 ou 4 opérations en restant 1 mois et demi en réanimation. Tout ça parce que, il voulait impérativement que je fasse le bypass. Et moi, j'étais pas prête puisque je connaissais pas du tout ce mot. Et d'abord, le bypass en 2004, ça ne se faisait pas vraiment encore en France. C'était vraiment très très peu. Il y en avait très très peu qui le faisaient. Maintenant, c'est courant. Mais avant, c'était pas du tout courant. Hein. Et puis donc, par le biais d'une amie qui est militante, on a dû poser beaucoup de questions parce qu'il nous disait rien. Il disait rien à mon mari. Donc, c'est une amie, Micheline, qui venait à chaque fois, on l'appelait jour et nuit pour qu'elle vienne houspiller parce qu'on n'avait pas les informations. L'information que l'hôpital doit donner aux patients ou à la personne de confiance. Ils ne donnaient absolument pas d'informations. Par exemple, ils m'ont dit, moi j'avais dans le redon, j'avais du sang qui coulait. Et on me disait, oh mais c'est rien. On va aller vous passer un scanner. Mais en fin de compte, on n'allait pas du tout me passer un scanner. On m'a ramené au bloc de toute urgence. Et j'avais mon mari qui m'attendait dans la chambre. Et c'est à 22h qu'on lui a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, j'attends ma femme, elle doit passer un scanner. Ah non, mais là elle est au bloc. Tu m'avais parlé, toi, déjà des opérations bariatriques. Tu m'avais dit que c'était surtout des femmes qui faisaient la demande et que c'était effectivement des opérations très risquées. C'est ça. Et c'est majoritairement, entièrement des femmes qui se font opérer, alors que pourtant, il y a pratiquement autant d'hommes et de femmes obèses en France. Mais les hommes ne se font presque pas opérer. Non. Parce qu'il y a sûrement moins de pression sociale sur eux, moins de pression médicale aussi, et moins d'injonctions sur le corps des hommes que sur les corps des femmes, ça c'est sûr. Donc ce sont quasiment que des femmes qui sont exposées à ce risque. Parce qu'on parle quand même d'opérations qui ne sont pas vitales, en fait, où les personnes peuvent très bien vivre et vivre en bonne santé sans être opérées, et qui sont très risquées puisqu'il y a eu plusieurs décès par an, en fait. Bien sûr. Et après, c'est un suivi à vie. Quand on se fait opérer, il y a des compléments alimentaires, il faut surveiller le nombre de calories qu'on ingère. C'est pas juste une opération, on perd du poids et c'est fini. Ça a vraiment des conséquences à vie sur notre système intestinal et sur notre digestion. Il y a des aliments qui sont interdits. Et ce que tu disais, toi, c'est qu'on te l'a fait alors que tu ne le demandais pas du tout. Je ne le demandais pas, je connaissais même pas. Et que c'était un peu un test en 2004 alors que c'était pas courant. Exactement, tout à fait. Et ils m'ont fait ils m'ont fait du chantage. Moi, j'étais venue pour une éventration. Je vous opère de l'éventration à une condition, mais pour maigrir, il faut faire le bypass. Et moi, j'étais perdue parce que, je me trouvais très bien avec mes kilos. Donc, et comme j'avais cette douleur, j'étais sous médicaments, donc j'ai dit oui, j'ai dit ok. Mais oui, parce que tu avais besoin de la deuxième opération. J'avais besoin de cette deuxième opération pour les douleurs, donc j'ai dit d'accord. Moi, je voulais arrêter d'avoir mal, de plus pouvoir de vivre normalement. Et du coup, ils m'ont obligée. Parce que, et souvent, quand moi j'ai des amis qui sont grosses, on leur dit, si vous ne faites pas, alors maintenant c'est la sleeve, qu'on parle beaucoup de la sleeve, si vous ne faites pas la sleeve, vous ne perdrez pas de poids, vous ne pourrez pas avoir d'enfants. On peut, même en étant obèse, bien sûr qu'il y a des risques, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir d'enfant. Moi, j'ai eu mon fils, je faisais 100 kilos. Et même à la maternité, il me donnait à l'époque un steak haché avec de la salade verte parce qu'il voulait que je fasse régime, parce que sinon j'allais avoir un bébé chétif qui allait être tout le temps malade. Toi, il te mettait au régime en étant enceinte ? Oui. Mais alors, je maigrissais pas puisque j'étais enceinte, mais moi, j'avais faim et mon mari me ramenait à manger. Donc, c'était pas... Oui, alors que l'hôpital aurait pu te fournir des repas complets. Des repas complets. Facilement. Normal et tout, en suivant un régime, mais avec des féculents, des légumes, des féculents, des protéines si j'en avais envie, ou de la viande si j'en avais envie ou pas. Et puis, voilà, comme tout le monde, avec peut-être moins de matière grasse et tout. Mais non, ils avaient décidé de me mettre au régime, et puis et bien sûr que je grossissais, donc ils comprenaient pas. Oui, mais t'étais enceinte. Mais voilà, mais je calculais avec le poids du bébé, je prenais trop. Ça a toujours été pour les médecins, c'était pas normal que je sois grosse en fin de compte. Ça posait problème. Et quand j'allais voir les médecins, quand on va faire des cures d'amaigrissement, on a l'impression, parce qu'on est grosse, alors on va pas voir le gynéco, on va pas voir le dentiste, on va pas voir l'ophtalmo, on va voir personne. Ce qui est absurde, puisque moi j'ai mon gynéco, je veux le voir. Mais comment il fait le gynéco pour vous ausculter? Comme toutes les autres femmes, comme voilà. Oui, mais c'est pas évident pour vous palper, pour. J'ai dit téléphonez-lui, il vous dira. Non, mais c'est des questions que nous on est là pour. Ça devient presque une obsession. On veut perdre, mais eux ils veulent qu'on perde pour je ne sais quoi, pour une beauté, pour je ne sais quoi, mais toi, tu veux perdre pour ta santé, parce qu'ils te culpabilisent. Et ils culpabilisent ton conjoint, ou ta... Voilà, parce que, vous êtes trop gentil. Puis alors, on t'oblige à aller voir un psy, parce que t'es grosse, donc tu dois avoir un problème. Et quand on te dit t'as un problème, non, j'ai pas de soucis. Quel souci? Peut-être parce que votre mari est étranger, alors vous mangez des plats en sauce. Non, on mange français, on ne mange pas pakistanais. Parce qu'en France, il n'y a pas de plats en sauce. Voilà. Ni en Normandie. C'est, voilà. mais c'est vraiment... ça devient... c'est très grave parce que... Ou alors, les infirmières, quand on arrive, l'infirmière qui dit « Bonjour madame, bonjour, bon. Madame Hussein Zaidi, c'est votre nom de jeune fille ?»« Non, c'est mon nom d'épouse. »« Ah, vous êtes mariée ?»« Oui, pourquoi ?» Ah non, comme ça. Vous avez des enfants, oui. Ah, vous avez réussi à avoir des enfants? Non, j'en ai qu'un, pourquoi? C'est pas des, c'est un seul. Ah, vous avez quand même réussi? Oh, vous avez de la chance. Mais vous faisiez combien? Bien sûr, je réponds pas quand c'est comme ça. C'est pour ça que vous avez trouvé une personne étrangère, parce qu'ils aiment les femmes avec des formes. C'est bien un peu de racisme en plus. Hein. Oui. C'est constamment, toujours à montrer que la personne grosse ne peut pas être, ne peut pas avoir une vie, un travail, une vie de maman, une vie de... Voilà, on ne peut pas être femme, épouse, maman... Non, on est grosse, on devrait être seule devant notre assiette, et puis on fait que de manger, point barre. Caché, voilà. Oui, non, mais c'est... Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu avais envie de dire sur ta santé de manière générale? Moi, donc, selon les médecins, je suis en situation d'obésité morbide. Donc voilà, donc tous mes problèmes viennent de là, forcément. Notamment j'ai des problèmes de dos, mais ça c'est depuis l'adolescence. Hein. Même avant d'être grosse, j'avais des problèmes de dos. Mais maintenant ça ne peut être dû qu'à mon poids. J'ai aussi des problèmes aux genoux, j'ai eu des fractures aux pieds. Et pareil, c'est parce que vous êtes trop grosse. Systématiquement, on me culpabilisait. Mais vous avez un pied qui fracture, après le deuxième. Ah oui, t'en as un de fracturé, tu sollicites plus l'autre. Voilà. Et forcément, tous mes problèmes... Problème autour de mon genou, perdre du poids, ça ira mieux. Mais c'est pas magique. Enfin, je suis d'accord que ça n'aide pas forcément les articulations. Ça, je vais pas dire le contraire, je vais pas le nier. Mais il faut quand même chercher ce qu'il y a d'autre et pas juste me dire de perdre du poids pour que ça aille mieux. Ok. Du coup, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que le fait d'être des femmes a eu un impact sur la manière dont vous avez été prise en soin? Ah oui, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions, du coup, sur le corps des femmes. Mmh. Notamment aussi par rapport à la maternité. Il faut que notre corps soit capable d'avoir des enfants. Et donc, voilà, il y a aussi cette injonction-là qui pèse. Et oui, je pense qu'on m'embêterait moins si j'étais un homme, par rapport à mon poids. Oui, parce que, et puis pour les médecins en général, mais même pour les, ce qui est malheureux, c'est que même les femmes médecins ou les infirmières, du fait que moi j'avais entendu toujours à Georges Pompidou, un homme peut être gros parce qu'un homme a obligatoirement une bedaine, mais une femme ne doit pas avoir une bedaine, un ventre. La femme doit avoir un ventre plat. C'est écrit où ça? Ah ben ça. Et des gros seins. Ça, voilà, oui. D'ailleurs, quand. Et donc, il fallait que je fasse une abdominoplastie. Et donc, moi, j'avais dit, je fais l'abdominoplastie parce que mon ventre allait jusque mi-genou. Parce que moi, je fais 1m53. Donc, c'est important aussi au niveau de la taille parce que tout dépend si on fait 1m80 ou voilà. Moi, je fais 1m53. Donc, après mes 215 kilos, je suis venue à 150 kilos à peu près, 160-150. Donc, automatiquement, la peau allait mi-genou. Donc, ça m'handicapait énormément. Donc, mais pour les médecins, il fallait que je fasse l'abdominoplastie parce que, il fallait avoir un ventre plat. Pas parce que c'était gênant ou pas pour toi, mais parce qu'il fallait que ce soit joli. Tout à fait. Et du coup, il m'avait dit, après le ventre, il faudra faire les cuisses, parce que un ventre plat avec des grosses cuisses, et puis surtout les seins. Alors j'avais dit, oui, parce que souvent j'ai mal au dos, parce que du fait de ma forte poitrine et que le ventre a diminué, effectivement, ça sollicite dans la journée, en fin de journée j'ai mal et j'ai tendance à être un peu, en fin de journée, un peu bossu. Donc, effectivement, les seins, pourquoi pas? Il me dit, puis n'oubliez pas vos bras, parce que là, tu vois, par exemple, je mets des longues robes maintenant, mais là, j'ai de la peau, bien sûr, qui est partie. Et puis, bon, il faut savoir que comme je me faisais énormément opérer des éventrations, moi, les opérations, j'en avais marre. Donc, j'ai dit, écoutez, je fais le ventre, mais le reste, je ne ferai pas. Je fais le ventre parce qu'effectivement, ça m'handicape. Je ne peux pas m'habiller facilement. Et puis, dans mon quotidien, ça m'handicape énormément. Donc, le ventre, je veux bien, mais tout ce qui est cuisse et tout, non, je ne ferai pas. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que, en fin de compte, ils voulaient me transformer en une autre femme, pas en Marie-Claude. Et vous mettre dans une norme. Dans une norme. Et d'ailleurs, après le bypass, et on m'avait tellement dit que je mangeais trop, que je mangeais trop, que je mangeais trop. J'ai été anorexique. J'ai été à la salpêtrière pour me remettre des vitamines et tout, parce que j'ai manqué énormément de vitamines et qu'on m'avait mis une telle pression que je ne mangeais plus. Parce qu'il faut savoir que quand on fait le bypass, on n'a pas la sensation de faim. Il fallait que je mette le réveil pour la sonnerie pour manger. Et quand on leur disait, c'est pas grave, vous perdrez encore parce que vous faites 154 kilos, il faudrait que vous arriviez à 80 kilos, ça serait bien. Vous faites 1m53, même un peu moins, ça serait bien. Quitte à t'affamer. Exactement. Parce que c'est pas grave en fait. Voilà. Et du coup, je faisais des malaises et ils comprenaient pas. Et quand après, j'ai été aux urgences. À la salpêtrière, quand la nutritionniste a dit, moi ça m'avait un peu choquée à l'époque aussi, mais bon, on m'avait dit, mais vous êtes aussi mal nourrie qu'un petit Africain, vous ne mangez pas. Et je suis restée une semaine avec des perfusions et tout, par rebelote, psy et tout, parce qu'ils pensaient que j'étais anorexique, mais ils ne comprenaient pas, parce qu'une grosse anorexique, ça n'existe pas. Je pense que en France, on a un stéréotype de femmes. Mmh. Ils veulent que les femmes fassent tel poids, telle mesure. Et si on n'est pas dans cette case, eh ben on est anormal. Et d'ailleurs, nous-mêmes, moi-même, j'ai tendance même à le dire quand je dis j'ai une femme qui a un poids normal. Mmh. Je devrais pas le dire. Personne normale, moi non. Voilà, ça devient dans notre langage courant. Et puis c'est pas étonnant en fait que toutes ces pressions, et en fait c'est hyper violent, que ça crée des troubles alimentaires. Tout à fait. Que ce soit chez les femmes qui sont grosses ou les femmes qui sont pas grosses, la menace qu'on me dit tout le temps, mais si tu manges comme ça, si tu continues à manger, si tu fais pas du sport, tu vas devenir grosse. Enfin c'est pareil, ça. Les femmes sont sujettes à des troubles alimentaires de manière massive. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. On parle souvent d'anorexie et de boulimie quand elles sont sévères et déjà très dangereuses, mais pas de troubles qui paraissent plus anodins, de compulsion d'un coup d'un aliment. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui ont ce genre de troubles et on ne retrouve pas ça dans les mêmes proportions chez les hommes. Exactement, tout à fait. Peu importe le poids fait ou l'apparence qu'on a. Pour un homme, c'est normal qu'il soit... Qu'il soit d'abord, il est maigre, c'est que bon, voilà, il n'est pas... Mais pour être un homme, il faut être costaud. Et on le voit même dans les cures, hein, quand on va faire des cures, c'est plus des femmes que des hommes. Dans les cures, dans les centres, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a très, très, très peu d'hommes. Parce que je pense qu'eux n'ont pas cette pression que nous avons. Et encore, je dirais, moi, je ne travaille pas, comme je suis adulte handicapée. Donc, malgré tout, j'ai été, on va dire, un petit peu protégée. Mais je n'ose imaginer les femmes qui travaillent, et peut-être tu peux plus nous en dire pour les femmes qui travaillent, je ne sais pas. Ah oui, moi, j'ai la médecine du travail sur le dos. Normalement j'ai un rendez-vous tous les 3 ans et donc là je l'ai eu en début d'année et elle veut me revoir l'année prochaine à cause de mon poids parce que c'est inquiétant et c'est inquiétant selon elle. Oui. Voilà, je sais pas, peut-être que si je grossis encore plus je serai plus capable d'effectuer mon travail dans sa tête, parce que pour toi c'est ça, oui, pour pas moi de problème réel en fait. Non, j'ai aucun problème à mon travail, je peux le faire et je peux très bien le faire et je pourrais le faire quel que soit mon poids. Là, je dois faire un examen parce qu'ils suspectent que j'ai une apnée du sommeil. Et juste pourquoi ? Parce que je suis obèse, donc je devrais avoir une apnée du sommeil. Une personne va voir le médecin pour une maladie. Si le médecin ne nous connaît pas, la première des choses, il voit notre poids. Tout de suite, c'est « Ah, il faudrait qu'on voie votre poids ». C'est tout de suite « Moi, j'ai des soucis au niveau du foie ». Et ben maintenant, c'est à cause de mon poids. Il me renquiquine avec mon poids. Bon, du coup, la question d'après, c'était de savoir si vous avez déjà eu des mauvaises expériences dans le cadre de votre prise en soins et de savoir qu'est-ce qui vous énerve. On a déjà commencé à en discuter. Et du coup, en termes de bonnes expériences, est-ce que vous avez eu de bonnes expériences où vous étiez particulièrement contente de la prise en soins ? Ou qu'est-ce qu'il vous faudrait pour considérer que vous êtes bien prise en soins ? Récemment, j'ai vu une podologue qui m'a prescrit des semelles orthopédiques. C'est tout simple, hein. Mais ça a soulagé mes problèmes de genoux et de pieds. J'ai beaucoup moins mal. Donc au lieu de me culpabiliser sur mon poids pendant des années, si on m'avait simplement dirigé vers un podologue dès le début et vers la solution des semelles orthopédiques, et bah déjà, j'aurais bien aimé les avoir déjà depuis quelques années. Donc déjà ça, essayer de trouver d'autres solutions que nous inciter à maigrir. Et après, j'ai eu une très bonne expérience aussi avec une pneumologue. Qui ne m'a pas du tout complexée sur mon poids, n'a parlé que d'autres choses, et qui m'a dit « Bon, votre poids, c'est pas grave, on verra plus tard, on va d'abord se concentrer sur les autres problèmes, les autres causes, etc. » Et aussi, ce qui était génial, c'est qu'elle m'a demandé si elle pouvait m'ausculter. La chose du consentement médical, c'est quelque chose qu'on a rarement. Les médecins nous voient comme des objets et ils nous palpent et ils font ce qu'ils veulent. Elle m'a demandé l'autorisation avant de m'ausculter. Et après, elle l'a fait en passant sa main sous mon t-shirt. Et pas en me demandant de me déshabiller ni rien. Et donc rien que ça permet déjà de se sentir plus à l'aise, plus en confiance. Et voilà, quoi, ça aide beaucoup. Je dirais peut-être la radiologue. Elle... quand je la vois, j'ai pas l'impression que quand je fais des examens, eh bien, elle n'appuie pas comme un taureau sur le au niveau du foie. Elle, elle sait que j'ai mal et elle me dit excusez-moi, je vais légèrement appuyer, et elle me dit vous me dites surtout si je vous fais mal. Ou mon médecin traitant qui m'a avoué au tout début quand je l'ai connu, il m'a dit un peu maladroitement, mais ça m'a fait du bien, il m'a dit Madame Hussein, vous êtes la première personne obèse que je dois gérer, mais on va le faire ensemble. Il n'a pas tout de suite fait celui qui savait, celui. Et quand j'ai un problème et qu'il ne sait pas, eh bien, il va me dire allez voir, parce que maintenant je vois le service d'obésité quand il y a vraiment un gros problème à Georges Pompidou. Quand il ne sait pas faire, il le reconnaît. Il le reconnaît, oui. Après, lorsqu'on connaît les services des hôpitaux pour les personnes obèses, on peut dormir normalement dans un lit qui nous convient. On a les fauteuils qui sont adaptés avec des accoudoirs, donc ça nous convient aussi. Et puis mais il faudrait qu'il y ait ça dans tous les services, dans tous les hôpitaux, je dirais. Alors c'est vrai que ça a un coût, j'en suis consciente, mais ça serait bien que et puis que dans les salles d'attente, ils arrêtent à vouloir mettre tout plein de chaises avec des accoudoirs, parce que ou alors qu'ils mettent une lignée de chaises avec des accoudoirs et puis des canapés de place, en montrant que le canapé de place c'est pour les obèses et les chaises accoudoirs c'est pour les personnes non obèses. Donc ça, faut qu'ils arrêtent. Mais qu'ils mettent en fin de compte des sièges sans accoudoirs, tout simplement, comme il existe dans certains hôpitaux. Oui, sur lesquels tout le monde peut s'asseoir. Tout le monde peut s'asseoir, tout à fait. Et ça serait beaucoup, beaucoup mieux, parce que on se sentirait beaucoup moins agressé. Ça serait. Et pas seulement dans les salles d'attente, aussi chez tous les médecins, quels qu'ils soient. Exactement. Je me rappelle un rendez-vous chez le dentiste, où la dentiste me dit de faire attention avant de m'installer sur son fauteuil pour pas que je le casse. C'est ça, oui. Et je venais pour mes dents, je pensais pas me prendre une remarque sur mon poids en allant me faire soigner les dents. Bien sûr. Bah oui. En fait, ça crée une ambiance où dès que tu rentres dans une salle d'attente, tu te sens déjà mal à l'aise parce que tu peux pas t'asseoir confortablement. C'est ça. T'es déjà pas dans un environnement où être sereine, alors que les soins médicaux, ça peut être angoissant de manière générale, bien sûr. Normalement, on devrait être accueilli de manière à être mise à l'aise. Là, c'est tout l'inverse. C'est ça. Et je vais pas casser son fauteuil de dentiste. Ah bon? Et c'est vrai que c'est des. Bon, bien sûr que ça a un coût, mais s'il faisait un petit effort, ça pourrait très bien se. Oui. Quand on voit, je crois que c'est une moyenne de 15% de personnes obèses en France. Pour 15% de la population, ils pourraient faire un effort un petit peu partout, dans les centres médicaux, etc. Il y a de plus en plus de personnes obèses en France. Il serait temps qu'on nous prenne en compte. Et bien sûr que ça a un coût, mais comme tous les enjeux de santé, la santé, ça ne rapporte pas d'argent. Oui, ça coûte de l'argent, mais c'est on en a besoin. Exactement. On ne peut quand même pas se permettre de mener des politiques publiques où on assume de ne pas mettre de l'argent dans la santé parce que ça coûte trop cher. C'est ça, exactement. Et quand je vois maintenant certains hôpitaux qui prennent des lits un peu plus grands, ça n'a pas. C'est pas ça qui fait que l'hôpital est surendetté ou quoi. Hein. C'est plus le gaspillage. Hein. Je veux dire, on le voit bien. Hein, parce que. Et pareil, en réanimation, mettre un lit, un lit pour personnes grosses, que tout le monde puisse s'allonger dedans, c'est quand même beaucoup mieux qu'au lieu de. Bah oui, mais tiens, il y a une personne qui arrive, oh là là, il faut aller vite chercher le lit dans le tel service, et hop, on ramène, et puis c'est, voilà, c'est à quand une politique pour, voilà, pour un meilleur accueil dans le milieu hospitalier. Et là, on parle du milieu hospitalier, mais de partout, parce que même dans les, dans le, dans les restaurants, dans les transports en commun, dans les gares, partout. Oui. S'il y avait un comportement qui vous a pas mis à l'aise, ou vous demandiez, mais est-ce qu'il fait vraiment ça pour me soigner, ou je sais pas trop. Alors, moi, j'ai pris ça comme une agression. C'était un... Bah, j'étais en cure d'amaigrissement. Et, bon, je ne voulais pas. Puis, on m'a dit, si, c'est un peu obligé. Nanani, nanana. Donc, j'y suis allée. C'était un gynéco. Et ce que je n'ai pas compris, parce que vu qu'il était dans le centre de cure d'amaigrissement, quand il m'a vu arriver... Il m'a dit, oh là là, mais je vais pas pouvoir vous ausculter. Et je l'ai regardé, ben, j'ai dit, pourquoi on m'oblige à venir alors? Et du coup, il m'a dit, bon, ben, je vais quand même essayer. Et j'ai dit, non, c'est hors de question. Et du coup, bon, ben, je suis repartie. Donc après, quand je me suis plainte, ils m'ont dit, non, mais c'est le remplaçant, il n'est pas très habitué, vous savez, vous êtes hors normes. Et du coup, la formation qu'est-ce que vous pensez de la formation des professionnels par rapport à la santé des femmes grosses, spécifiquement? Tu disais tout à l'heure que tu trouvais qu'ils n'étaient pas formés. Ils n'étaient pas formés, oui. Il n'y a pas de, formation. Il n'y a pas de formation parce que, déjà, quand on va voir un médecin traitant, bon, moi, mon médecin traitant me l'a avoué que, bon, j'étais sa première patiente et qu'on allait travailler ensemble, mais il n'y a pas du tout de... Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. D'ailleurs, je me souviens que j'avais discuté avec le professeur Zinzin Doué et que j'avais dit que c'était dommage qu'il n'y avait pas des médecins. Bon, je lui avais pardonné ce qu'il m'avait fait et tout au niveau de l'opération, mais j'avais dit que c'est dommage qu'il n'y a pas de médecins pour les personnes fortes, obèses, à Mantes-la-Jolie par exemple, et parce que j'ai dit ils ne sont pas formés. Les infirmières. Ça va des femmes de ménage, de tout. Ils ne sont absolument pas formés, les médecins non plus. Et bon, il est venu quelque temps à l'hôpital de Mantes-la-Jolie après pour aider. C'est comme ça que le service d'obésité s'est créé à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. D'accord. Avec le docteur Kélani, qui m'avait opéré, qui a osé m'opérer et qui m'a pas laissé mourir aux urgences. Donc lui maintenant il est chef de service au service obésité à Mantes-la-Jolie. Et bon maintenant les personnes sont formées hein, dans le service, mais en dehors du service elles ne sont pas du tout, elles ne sont pas formées. Donc c'est juste quelques petits endroits où peut y avoir des formations spécifiques, mais voilà, voilà. Ça fait pas partie du tronc commun. Ça fait pas partie, non, pas du tout, pas du tout. Oui. Par exemple, mon ostéo me racontait que dans toute sa formation, elle avait jamais manipulé des personnes grosses ou obèses. Et c'est pas la même chose de manipuler un corps de 60 kilos d'un corps de 150 kilos. C'est totalement différent. Et pareil, ça, dans leur formation, ils n'avaient pas l'occasion de le voir à l'école. Ça se voyait après, avec leur expérience professionnelle. C'est quand même grave, je trouve, qu'ils ne soient pas, du coup, formés dans leur école à voir toutes sortes de personnes. Et on le voit même quand, moi, par exemple, moi, je le vois quand je prends un traitement. Mon médecin traitant me dit... Par exemple, là, j'ai un souci de thyroïde, donc j'ai un traitement. Il m'a donné en petite dose. Il m'a dit, on va faire dans 2 mois une prise de sang pour voir. Je vous prescris un peu plus de boîtes. Comme ça, si la prise de sang n'est pas bonne, vous augmentez. Mais ils font à l'aveuglette. Oui. Ils font à l'aveuglette. Au niveau des médicaments, c'est toujours au niveau de la douleur, par exemple, eh ben c'est à l'aveuglette. Soit ils te donnent la grosse dose, la dose d'éléphant, comme ils disent, ou sympa. une petite dose, mais sur l'ordonnance, ils te marquent, par exemple, tu dois prendre le comprimé, un comprimé le matin, ils vont mettre un comprimé le matin, un comprimé le soir. Comme ça, en sachant, en nous répétant 36 fois, surtout vous prenez que le matin. Au cas où vous avez mal, ou vous voyez que le médicament ne fait pas effet, vous coupez la moitié et vous reprenez pour voir si ça va. Si vous n'avez pas de malaise, si tout va bien, vous continuez comme ça et vous me le dites dans 3 mois quand on se revoit. Mais sinon, c'est... En fait, ils ne savent pas doser pour la podologie. Ils ne savent pas doser, non. Et ils te laissent repartir en disant, bon, on se revoit dans 3 mois et on voit où ça en est. Donc toi, pendant 3 mois, tu es dans la nature avec tes médicaments. Je suis dans la nature à essayer de trouver... le bon dosage de médicaments, parce que je ne sais pas, je peux faire soit en prendre trop ou pas assez, et puis quand après on est habitué, on ne sait pas, donc on en prend un peu plus parce que nous on ne veut pas avoir mal, donc on va en prendre plus, et après on nous dit mais maintenant faut diminuer parce que vous en prenez trop. Tu m'as dit que si j'avais mal, je devais en reprendre. Moi, j'ai mal. Je suis pas médecin. J'ai pas fait de formation en médecine. Donc, jamais fait d'études en médecine. Donc, ils savent pas adapter la dose par rapport à notre morphologie. Voilà. Alors que pourtant, les vétérinaires savent le faire. Les vétérinaires, ils prescrivent des médicaments en fonction du poids du chien ou du chat. Ils ont des grilles. Ils savent faire. Pour les humains, ils savent pas faire. Non. On a pu voir que les femmes grosses sont victimes de discrimination de manière très régulière dans la vie quotidienne, et en particulier quand il s'agit de la santé, où elles sont réduites à leur poids presque systématiquement. Et ces discriminations ne sont pas vécues à l'identique par les hommes gros. Clairement, il y a un aspect extrêmement misogyne dans ce qu'on appelle la grossophobie. En patriarcat, d'ailleurs, nos corps ne nous appartiennent pas en tant que filles ou femmes. C'est-à-dire que tout le monde se permet de faire des remarques à leur sujet et de juger à notre place de ce qui est bon ou pas pour nous. La médecine doit apprendre à voir les femmes grosses au-delà de leur silhouette, c'est-à-dire comme des personnes à part entière. Merci beaucoup à Anne-Lise et Marie-Claude d'avoir accepté de participer à ce podcast. À notre santé.